bonjour, vous l'appellerez comme vous voulez, Covid, Covid-19, coronavirus, ou même si vous êtes scientifique, SARS-CoV-2, je ne vais pas vous faire la liste des problèmes qui font 2020, il y en a définitivement trop, 366 jours de pur et simple désastre. À l'instant où j'écris ces lignes, il y a des nuages dans le ciel, dehors, les feuilles tombent des arbres et les températures descendent lentement, venant faire rougir le bout de mon nez. N'y voyez là aucune poésie, bien au contraire, c'est mon moral qui est gravement atteint. Je ferme donc les yeux face à la fenêtre de ma chambre tachée de gouttelettes d'eau et de la trace de mon nez que j'ai collé contre. Au travers de ma fenêtre, j'observe l'extérieur comme dans un mauvais film. Je vois le vent qui fait bouger les feuilles, il fait de plus en plus sombre. Les lampadaires s'allument et derrière moi de la musique, quand soudain, plus rien. Il se met à pleuvoir encore plus fort, ma musique s'arrête, ma vie devient un poème de Baudelaire. C'est triste, angoissant et surtout c'est chiant. Alors honnêtement, dans un contexte aussi nuageux, à quoi pouvons-nous bien servir, là, derrière notre micro, à brasser de l'air, à faire du vent? Je répondrai que dans un contexte aussi nuageux, nous serons sans doute utiles. La météo est formelle, rien de tel que le vent pour dissiper les nuages. Alors voici la composition de cette équipe qui s'envole vers la réussite. Au rugby, il serait numéro 9. Il a un sale caractère, il conteste et quand il est bloqué, il botte en touche. Toujours est-il qu'il se révèle précieux et qu'il est constamment au-dessus de la mêlée. Bonjour Henri. C'était tout à fait moi. Je me suis reconnu directement. De quoi qu'on parle ? Écoute, Baptiste, je n'ai pas encore écrit ma chronique, donc on va faire ça pendant l'heure. Voilà. Concentre-toi, t'as du travail. Elle serait numéro 10, Valentine. Elle organise le jeu et marque toujours des points en visant juste entre les poteaux de l'information. J'allais lui dire bonjour, mais des problèmes de micro l'ont sorti de là, alors on l'entendra en off. Elle sera pas avec nous au cours de l'émission et c'est bien dommage. Lui, il est le journaliste de bord de terrain embauché pour poser des questions. Thomas sera aux commandes du quiz. Salut. Eh bien, bonjour. Le quiz, donc. Oui, avec des questions, donc. On peut pas réussir tous les lancements. Roman, une chronique musique, bonjour. Bonjour. Ouais, moi je vais vous parler de Kemmler aujourd'hui. Et enfin, ce sera Fanny, restée aujourd'hui au vestiaire, mais qui viendra nous faire un tout joli dessin. Ce sera tout à l'heure dans Regarde ton monde. On va parler de Donald Trump et sujet original de l'élection présidentielle. Alors, inutile de vous présenter, au vu du son, le contexte dans lequel on organise cette émission. On est confiné. Et donc, on est en visio, sans se voir. On s'entend juste, et encore à peu près. Bon, ça ne nous empêche pas de tenter de construire Regarde ton monde aujourd'hui. Je vais essayer de libérer un petit peu la feuille sur laquelle j'avais tout marqué, parce que j'ai posé beaucoup de choses dessus. Et on va pouvoir y aller. On parle donc, je l'ai dit, des élections présidentielles américaines. Joe Biden a remporté les élections, faisant donc partir Donald Trump du pouvoir. On va s'attarder un petit peu sur ce point de Donald Trump. Et d'abord, le style Trump, je pouvais lire dans un dossier que Courrier International y a consacré il y a quelques semaines, un article du Washington Post qui parle, hein, je vais citer l'article, de Trump qui agrippe et embrasse un drapeau américain, qui distribue des piles de Big Mac tièdes sur des plateaux d'argent dans la salle à manger de la Maison Blanche, qui balance des rouleaux de papier essuie-tout aux Portoricains victimes d'un ouragan comme un chauffeur de salle jette des t-shirts souvenirs sur un terrain de match de baseball catégorie poussin. On a cette catégorie, cette image pardon, de Donald Trump bené. Comment vous le percevez, vous, ce personnage? Parce qu'on peut vraiment parler de personnage pour le coup. Enfantin. on n'arrive pas à se dire qu'il a été président, quoi. Après 8 ans de Barack Obama, c'est quand même... Bah ouais, figurez-vous que je pense que il fait, enfin, il est loin d'être bête au fond, mais qu'il fait bien exprès de donner, bah, comme tout le monde, mais oui, c'est un guignol entre nous, on va pas se cacher pour moi. J'allais dire, j'ai pas l'impression qu'il nous ait montré beaucoup d'intelligence durant 4 ans, quoi, en mettant tout ce qu'il veut sur Twitter, enfin, je sais pas. Ouais. Est-ce que ça entre pas quelque part dans une stratégie de communication, peut-être? Ouais, peut-être. Mais c'est un génie incompris, en fait. C'est même certain, je pense. Henri. C'est une stratégie de communication. En tout cas, elle est très peu intellectuelle et complètement populiste. Oui. Bah justement, Romain, tu parlais de ces tweets, la grammaire enfantine, la ponctuation hystérique, les majuscules inutiles et ces super fans complotistes. C'est toujours le même article du Washington Post, décidément, ils l'ont bien bien rhabillé. C'est pareil, il y a quand même une base solide qui le soutient. Sur quoi est-ce qu'elle peut se baser, cette base solide? Est-ce que cet art du spectacle qu'aurait quelque part Donald Trump, ça mobilise des troupes importantes et un électorat assez conséquent, et on l'a encore revu cette année avec les présidentielles? C'est-à-dire que les États-Unis, quand même, depuis longtemps, vivent dans un système qui est ultra-libéral, avec une éducation qui est difficile et qui n'est pas forcément la même pour tous. Et donc, forcément, ça crée au sein même du pays des grandes divisions. Et aussi, ça va laisser place à une certaine partie de la population aux idées populistes et complotistes, c'est-à-dire tant que l'éducation n'est pas généralisée et n'est pas comment dire suffisamment uniforme pour nous permettre à chacun d'avoir un socle commun de connaissances, on crée une population qui est totalement ignorante et qui donc va adhérer beaucoup plus facilement à des techniques complotistes. Quelque chose à ajouter? Non. Tu C'est parlais complet. de... Oui, pardon. Tu parlais des fake news. Lui a déclaré quasiment immédiatement sa victoire après l'élection. Il s'avère que finalement c'est Biden qui a gagné. Il appelle, en tout cas au moment où on enregistre cette émission, il n'a toujours pas véritablement reconnu sa défaite. Je vous propose d'écouter un extrait de la NBC. C'est une des premières chaînes info à l'avoir coupée pendant un discours depuis la Maison Blanche où il annonce avoir gagné. On va l'écouter. Because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. All right, we're listening to the president speaking at the White House, but we got to dip in here because there have been several statements that are just frankly not true. Voilà, les bilingues ont compris, mais globalement, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump qui a été coupé en plein discours alors qu'il annonce sa victoire à la présidentielle. On a du mal à imaginer cette image en France, les chaînes info ou même n'importe quelle chaîne reprendre la main sur une allocution du président, que ce soit Emmanuel Macron ou même un de ses prédécesseurs. Bon, j'allais dire qu'en plus, le pouvoir des médias aux États-Unis était peut-être bien plus important qu'en France. Et que bah du coup peut-être les chaînes américaines se permettaient des libertés que oui on conçoit enfin on concevrait pas ici en France même si c'est vrai comme disait Henri on n'a pas eu affaire à des phénomènes comme Trump pour le Après, moment. oui, c'est vrai que c'est... Puis surtout, là, c'est quand même une énorme fake news qui... Non mais c'est vrai qu'en France on a rarement vu un candidat enfin crier victoire avant d'avoir enfin, Ouais. d'autant sur les dernières élections où c'était. Puisque justement, il s'exposerait bah, au ridicule hein, si jamais il perdait. Donc, Après, il y a cette voilà. culture du ridicule avec Donald Trump aussi, un petit peu. Oui, c'est pas faux. Il n'est pas gêné par ça. On a beaucoup parlé aussi à l'occasion de cette élection et surtout en fait de l'élection de Donald Trump il y a 4 ans, du système électoral aux États-Unis. Ça fonctionne pas, c'est pas comme en France. On élit des grands électeurs, on en a tous globalement déjà entendu parler. Est-ce que c'est pas un peu une fausse démocratie du coup? Je sais pas si on peut parler. Mais si, c'est un peu altéré quand même comme démocratie. Bah, par ailleurs, c'est pas vraiment, on peut pas parler de démocratie totalement directe, puisqu'il y a des cas où la grande majorité, enfin, le candidat est élu au suffrage populaire, mais pas au suffrage des grands électeurs. Donc, des fois, ça arrive que, du coup, bah, les Américains, les citoyens américains votent pour un candidat, mais qu'au final, ce soit pas lui qui soit élu malgré la majorité au peuple. Oui. Donc, c'est quand même, enfin, assez hallucinant. On va partir de Donald Trump pour aller vers une autre personne. On en a déjà parlé dans Regarde ton monde, Greta Thunberg, puisqu'elle s'est moquée de Donald Trump dans un tweet. Donc il va falloir Oui, j'ai recontextualiser un petit peu tout ça. Donald Trump avait critiqué Greta Thunberg, disant qu'elle était tellement ridicule qu'elle devait travailler sur ses problèmes de management, enfin de gestion de la colère. Et qu'elle aurait dû aller voir un bon film avec une amie pour se détendre. Donald Trump lui tweet Stop the count. Ça, c'était bon, ben, juste après l'élection. Et elle lui répond tellement ridicule. Donald devrait travailler sur ses problèmes de gestion de la colère et aller voir un bon film avec un ami. J'ai envie de dire Etoc. Mais ouais. Bon, et le dernier point que je voulais aborder, c'est la victoire de Joe Biden. Il y a un très bon dessin qui est signé de Carol Daigle, un dessinateur américain, vous avez encore pu admirer mon accent, qui représente Kamala Harris en très grand, et dans l'ombre de Kamala Harris, on voit Joe Biden. C'est vrai qu'on a énormément parlé de la vice-présidente par rapport à Mike Pence, qui était le vice-président de Trump, dont on n'entendait pas trop parler. Kamala Harris, on en entend beaucoup parler. On va en parler nous aussi. Mais avant, on a demandé à Fanny de nous en parler. Fanny qui nous fait donc son coup de crayon, un dessin à la radio. Oui, on a tenté l'expérience. Kamala Harris donc, et on en parle juste après. Bonjour à tous et bienvenue dans ma petite chronique. Alors, dans cette chronique, on va parler de dessins d'actualité pour résumer les actualités dites importantes des derniers temps. Donc aujourd'hui, mon dessin, il va traiter du sujet qui a été au cœur de toutes les chaînes d'infos juste après le Covid, c'est-à-dire les élections présidentielles américaines. Donc pour un petit rappel des faits, le candidat républicain Donald Trump s'est opposé au vieux Joe Biden, candidat démocratique, dans une lutte acharnée à la Maison Blanche. Attention spoil, c'est Biden qui a remporté les élections avec le soutien de Kamala Harris, qui est devenue la première femme de plus de couleur à être vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Donc, mon dessin d'ailleurs porte principalement sur cette femme et sur Donald Trump. Dans ce dessin, l'ancien président est représenté dans un premier temps dans un cimetière de manière très caricaturale. On le voit forcément très très orangé, avec un air très fier sûr de lui, prononçant les mots « Woman can't lead, woman can't lead ». Donc, pour les quelques personnes qui n'auraient pas la ref, cette phrase fut virale ces derniers temps dans un trend d'internet où les gens, notamment les femmes, se filment en entendant ces mots avec un air très dégoûté et diffusent des images de femmes leaders qui ont changé le monde. Bref, une bonne référence au misogynisme du personnage de Trump. Donc toujours sur le dessin, on voit après juste à côté une autre petite case avec écrit « A few moments later ». Et juste après, on voit une représentation de Kamala Harris qui, du coup, n'est pas du tout caricaturale, qui, elle, est très imposante, mise en valeur par la Maison Blanche en arrière-plan et le beau drapeau des États-Unis, avec une bulle de dialogue où est écrit « Yes, women can't lead and I have to ». Donc, le dessin peut paraître un peu féministe, mais j'ai trouvé ça très important de le représenter parce que... c'est quand même quelque chose de grand pour la représentation des femmes au pouvoir, même si on a déjà eu plusieurs femmes au pouvoir, notamment en Nouvelle-Zélande ou encore même en Allemagne. Là, c'est vraiment la première femme à être pas au pouvoir directement, mais avoir un grand rôle dans le pouvoir des États-Unis d'Amérique, qui sont quand même la première puissance mondiale. Je pense que c'est un des plus gros pas pour la féminisation des pays et des politiques des pays. Le fait que Kamala Harris, cette femme qui en plus, hein, je le répète, est une femme de couleur, donc en plus de marcher dans la féminisation, son pas et sa présence à la vice-présidence des États-Unis montre aussi le grand pas que l'on fait envers les personnes de couleur pour éviter toujours les mêmes stéréotypes et les mêmes catégorie raciale un peu qu'on peut imposer dans certaines politiques. Voilà, merci. Fanny, pour le coup de crayon, donc merci Fanny qui a pas pu être avec nous pour l'enregistrement. Problème de connexion, un peu comme pour Valentine, qu'on entendra quand même tout à l'heure. Kamala Harris, on va aborder le sujet rapidement. Ça représente quoi, franchement, une femme qui plus est noire, elle l'a dit plusieurs fois, qui arrive enfin au pouvoir? Bon, c'est pas encore elle qui a été élue, mais... Par une population qui est... Par une population qui est noire, mais du coup, ça doit être un message fort d'élire un vice-président donc, qui est une femme en plus, donc un message fort aussi pour le féminisme. Et donc, ça doit être une fierté, j'imagine. Enfin, ça doit être un choix, peut-être, des républicains, enfin des démocrates, pardon. Oui, j'imagine que c'est quand même quelque chose de fort, enfin important pour les Américains. Mais en même temps, avec les réseaux sociaux aussi, enfin là, il y avait plein de publication où il y avait tous les anciens vice-présidents en Amérique depuis je sais pas combien de temps, et on voyait homme blanc, homme blanc, homme blanc, vieil homme blanc, vieil homme blanc. Et là, on voit pouf, Kamala Harris, femme métisse. Donc forcément, ça fait beaucoup plus parler. C'est une fierté, c'est voilà, c'est une avancée après Donald Trump. Bon, eh ben merci, voilà, pour cette partie sur les États-Unis. C'est quand même un peu compliqué de discuter comme ça à distance. On va voir ce que ça peut bien donner et comment on va pouvoir améliorer toute cette partie. À qui le tour pour la chronique? Je l'ai noté, c'est à C'est à Romain. moi. On va parler musique. De qui on Oui, parle? aujourd'hui, on parle de Kemmler. C'est un jeune rappeur marseillais qui a 28 ans. Il avait sorti son premier album Rose en 2018. Et cette année, il revient avec un deuxième album qui dit évolutif. En gros, il va faire. Il a sorti une première partie de son album qui s'appelle Gris en mai 2020, juste après le déconfinement. Et tout récemment, il a sorti une deuxième partie qui s'appelle Cœur. Le premier jour du reconfinement. Donc moi, cet artiste, ça fait pas très longtemps que je l'ai découvert, parce que je l'ai découvert à travers le deuxième album de Ellie J, qui est lui sorti en mai 2020, avec un morceau qui s'appelle La vie n'est qu'un jeu. Regarde le plus quand on est nous dans nos nuits sales, même lorsqu'on s'aime en trisome. Mais tu me tues à chaque fois, je me suis tué à chaque fois. Pour à la fin être solo, commencer chaque phrase par moi et casser chaque vase pour nous. Ça me déprimait, comme si je jouais à quelqu'un d'autre où j'étais jeu en Désolé de tuer, c'est long. Au départ, j'avoue que ma première impression, c'était pas une super bonne impression, parce que sa voix m'a fait bizarre au milieu de celle des filles qui est chantée et lyrique. Et du coup, je l'ai redécouvert à travers Instagram quand il a sorti la deuxième partie de son album Cœur. Et j'ai trouvé qu'il aborde des sujets assez simples, en fait, mais qu'on comprend vite et bien. Donc, par exemple, les doutes qu'on rencontre, beaucoup de questions qu'on se pose, notamment en ce moment, pendant le confinement. Pourquoi ça te fait mal au cœur? Pourquoi t'es seul? Demande-toi pourquoi t'as peur qu'on puisse aimer tes sœurs. Pourquoi t'es si égoïste? Pourquoi t'es triste? Pourquoi quand tu parles de gosse, tu es sûr d'avoir un fils? Pourquoi t'es distant? Pourquoi tu tues tant devant des séries où la morale est inexistante? Pourquoi tu détestes qui tu es? Est-ce que tu pourrais tuer? Pourquoi tu remets ta vie en question quand t'écoutes habitué? Pourquoi tu critiques les gens? Est-ce que c'est vrai que... C'est déjà une autre ambiance par rapport à La vie n'est qu'un jeu, mais en même temps, c'est un projet solo. Et oui, c'est presque dansant, malgré des paroles un peu C'est ça contraste. noires. Mais ouais, il y a plusieurs ambiances. Il y a un autre morceau qui s'appelle Dis-moi tout. Et vraiment, on se laisse plutôt par cette ambiance. Vas-y. Par les flammes, yeah. Je peux pas être meilleur. Et ça te fera du mal quand t'écouteras. Mais si on te raconte des trucs sur moi, ne crois pas, maman. Crois pas, je peux pas être meilleur. Mais ça fera du mal quand mais si on... Elle a fait un peu penser à une chanson de L'Homme Pâle qui s'appelle Trop Beau, qui est assez connue. Pareil, les paroles sont pas très gaies, mais on se laisse vraiment porter par le rythme. Et bon, preuve quand même qu'il est très actuel, il a un morceau qui s'appelle Confinez-moi avec elle. Donc pour l'entendre, il faudra aller écouter son album. Merci Roman. Bravo parce que en plus c'est vraiment super dur de faire une chronique sans se Comique. voir, juste en s'entendant, d'envoyer les sons au bon moment, direct les sons. Bravo, super, merci. Tu disais l'homme pâle, moi ça me fait un peu plus penser à 47 Terres aussi. Je trouve qu'il y a un petit Ah côté. ouais, mais ça, ouais, je connais moins 47 terres. Voilà, Roman qui m'a donc envoyé une vidéo hier me disant Putain, Kemler n'a pas de page Wikipédia, comment je vais faire? C'est le travail C'est ça que c'est sérieux. ça, les interviews. Bon, on l'avait dit, il est payé pour... Enfin, payé, non, il n'est pas payé, mais du moins, il est embauché pour poser des questions. Notre journaliste à deux bords de terrain, Thomas, va nous poser des petites questions mêlant culture. Alors c'est parti pour le petit jeu. Alors je vais commencer par un vrai faux pour ma part. Donc il va falloir que vous trouviez les réponses. C'est donc des questions, enfin d'actualité. Alors la première, c'est un cinéma à Rennes fait des séances gratuites sur Internet. Vrai faux? En vrai. Ah, je pense que c'est vrai. Ouais, vrai. Et je trouve, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une belle initiative malgré du coup ce qui se passe en ce moment. Enfin, je pense que ça peut être bien. Henri peut-être sur ça. Ouais, ouais. Surtout Henri, oui. C'est génial de faire ça parce que ça permet en fait à plein de gens de voir des films qui ne seraient pas forcément allés voir parce que le cinéma ça coûte hyper cher et c'est ce qu'on se disait hein, avec Baptiste quand à Paris on visitait les musées, c'est cool que ce soit gratuit parce que on peut aller et explorer un petit peu tout et juste en fait se frotter avec tout type de culture et c'est super bien pour s'offrir un regard sur le monde et c'est vrai qu'on les a visités presque au pas de course ces musées et ça donnait un vrai charme à la visite et c'est devenu un vrai bon moment en fait et peut-être qu'on l'aurait pas fait comme ça si on avait dû payer. Ouais voilà, l'argent n'est plus un frein pour le coup. Donc une autre question, on enchaîne les Tuches 4, les Tuches, moi alors là vous savez moi je trouve ça drôle mais après chacun c'est t'es viré. C'est voilà, c'est classique mais du coup les Tuches 4 devraient sortir prochainement. Enfin, ça a été annoncé, il y a eu un teaser. Vrai ou faux? En vrai. 2020. Vrai. C'est vrai, 2020 est vraiment une année de merde. Et ben, c'est vrai. Les Tuches 4, voilà, est annoncé. Donc, prochainement, il y a eu un teaser qui est sorti. Et la dernière question de cette partie-là, donc de vrai faux, c'est Disney a décidé d'offrir à une petite fille un vrai bébé lion, puisque sa dernière, est fan du Roi Lion. C'est vrai ou faux? Non. J'espère que c'est faux. Moi je dirais que c'est vrai, c'est possible. C'est ça peut être vrai, mais j'espère que c'est faux. Le coup de com. Non, c'est faux, mais ce serait beau, mais c'est faux, bien sûr. Non. Alors, donc, deuxième petit jeu, c'est des questions liées à l'actualité, mais c'est surtout de la culture en fait et de l'histoire. Donc, quelle fut la première pandémie de l'histoire, hein, vu qu'on est dans le contexte actuel. C'était pas en Hong Kong. Ah bah non, je suis con. Pour vous, l'histoire. Alors si vous trouvez la maladie, c'est déjà bien. Hein. Est-ce que ça venait du pangolin aussi? Non, ce n'est pas du pangolin pour le coup. C'est la peste, bien sûr. La peste, donc au 6e et 8e siècle, on l'appelait la peste de Justinien. Donc voilà, c'était la première vraiment pandémie mondiale qui fut à l'origine, enfin le créateur du vaccin. Pasteur. C'est connu. Oui, voilà, Pasteur, premier vaccin au 19e siècle. Et là, je suis content de bénéficier d'un peu d'avance parce que vous avez le son un peu en retard avec la visio. Alors, celle-là, je ne savais pas personnellement. Enfin, si, je savais un peu, mais j'ai été quand même étonné. Quel est le livre qui a été le plus vendu au monde et enregistre des records phénoménaux? Harry Potter, a dit Henri. Non, mais c'est étonnant. Hein. Moi, j'ai été étonné. C'est la Bible. 4 milliards d'exemplaires dans le monde. Ah, c'est pas con. Tiens. Et ouais, la Bible, mais ouais, on ne pense pas. Ouais. Et alors, dernière question de cette partie, quels sont les noms des laboratoires américains qui présentent des vaccins en phase 3 efficaces à 90 et 95%? Il y a Moderna. Oh, imprononçable. Si, il y a Moderna, non? Oui, fait un des deux. Et l'autre, c'est Pfizer, mais avec un P, donc c'est compliqué. Je sais pas, j'appelle ça Pfizer, il y en a dit Pfizer, mais c'est compliqué à prononcer, il a raison, Henri. Ouais. Et là, on passe donc sur une troisième partie, c'est l'actualité et donc les titres de la presse. Donc, vous allez devoir me dire si ces titres existent ou n'existent pas. Okay. Alors, le premier titre, c'est le Royaume-Uni veut bannir les véhicules à moteur thermique dès 2030. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et c'est donc le titre de Le Monde dans son article. Deuxième question. Le groupe LVMH laisse entendre sa volonté de quitter la France, enfin de délocaliser. Ah, vrai faux, ou faux? Faux. Ça, ce serait une catastrophe économique. Bah écoute, Baptiste, tu as raison. Troisième titre, un gel hydroalcoolique sur 7 n'est pas efficace. En tout cas, il y en a un sur 7 qui colle aux mains vraiment fort. Hein. Et bien, c'est vrai, c'est le titre de Le Figaro en tout cas. Ce qu'a titré dans son article de ce matin. Et donc, dernier titre avant que je cède ma place, un jeune cinéaste se découvre à Saint-Vincent de Barbérac dans l'Hérault. Vrai ou faux? Vrai. Et oui, clin d'œil à The Dream Manufactory, pardon, vous l'aurez compris, donc c'est le titre du Midi Libre récemment. Article sorti. Consacré à notre Henri National. Exactement. Ah, merci, c'est gentil. Je suis sûr. Voilà, ouais, c'est tout pour moi, tout. Baptiste. Mais merci donc, beaucoup, Thomas. Merci pour ces petites questions et à bientôt, j'espère, dans le prochain numéro pour de nouvelles questions tout aussi interrogatives. Quand c'est une question, ceci dit. On va écouter Valentine, Valentine qui ne peut pas être avec nous, mais qui nous fait quand même sa chronique. On l'écoute. Bonjour Valentine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une chronique de culture générale, enfin si on peut dire ça. Le principe, c'est d'aborder une ou deux questions à la con auxquelles je réponds, et puis le soir, vous vous couchez un peu moins bête. Allez, première question pour vous mettre dans le bain. Pourquoi avons-nous des sourcils ? Et oui, j'avais prévenu, ça vole pas très haut. Quand on y réfléchit, c'est quand même dingue que ces deux petites bandes de poils bien précises, ou cette grosse bande de poils dans certains cas, soient restées sur notre visage, alors que tout le reste de nos poils, ou presque, ont disparu au fur et à mesure de l'évolution. Bon, c'est bien, vous me direz, ça donne du travail aux esthéticiennes, et les PDG d'entreprises cosmétiques s'en mettent plein les poches. Mais au final, ça sert à quoi un sourcil concrètement ? S'ils sont toujours là, c'est qu'ils sont nécessaires. D'abord, pour communiquer, ils servent grandement au langage corporel, car ils nous permettent de mieux faire passer nos émotions et certaines informations grâce à nos expressions. On les hausse, on les fronce, on peut en lever un pour marquer notre suspicion. En fait, ils sont très expressifs, et heureusement qu'ils sont restés là avec nous pendant cette période de pandémie où l'on ne voit plus que la moitié de notre visage. Mais en plus, les sourcils servent de parapluie à nos yeux, enfin en quelque sorte. Tous ceux qui ont fait 3 fois 500 au mois de juin par 35 degrés et qui ont transpiré comme des phoques savent de quoi on parle. À notre plus grand malheur, le front peut produire une quantité insoupçonnée de sueur. Et sans les sourcils pour retenir tout ça, on en aurait plein les yeux, on ne verrait plus rien, pas même la gourde que Jean-Eudes a laissée au milieu de la piste de 3 fois 500. On marcherait dessus, on se foulerait la cheville, on s'étalerait lamentablement par terre et on finirait aux urgences. En fait, les sourcils, c'est un peu comme la fonction boussole de nos téléphones. On pense que ça ne sert à rien, mais ça peut nous sauver la vie. Ensuite, deuxième question. Connaissez-vous le syndrome de la mauvaise file ? File, attention, hein, pas fille. Vous n'avez jamais eu ce sentiment lorsque vous étiez dans un embouteillage ou en train d'attendre à la caisse du supermarché, d'être systématiquement dans la file qui n'avance pas et de faire à chaque fois ce mauvais choix ? Bon, vous n'êtes pas complotiste pour autant, mais vous avez beau avoir une patience à toute épreuve, un parfait contrôle de vos pensées négatives, des chakras en symbiose parfaite avec la nature et votre environnement extérieur. Je sais que cette pensée vous a déjà traversé l'esprit. Eh bien, c'est une illusion de malchance. Autrement dit, c'est votre cerveau qui vous joue des tours et altère votre perception au cours de ces situations. D'une part, nous avons une mémoire sélective qui accorde une place privilégiée aux éléments négatifs, et chez certains plus que chez d'autres d'ailleurs. Et d'autre part, le temps d'observation joue un rôle primordial dans cette perception. Pour faire simple, lorsque nous sommes dans une voiture à l'arrêt, nous avons largement le temps d'observer les voitures de la file voisine qui nous doublent, car nous avons que ça à faire. Bon, certains pour s'occuper, ils aiment bien aussi les klaxonner et les insulter, mais ça c'est un détail. Alors que quand on double les voitures de la file voisine, l'observation est beaucoup plus courte car nous accordons beaucoup moins d'attention aux autres. En fait, c'est tout bonnement logique, donc prenez des gouttes le matin et restez patient. Merci à vous. Merci Valentine, donc, qui aurait dû être avec nous mais qui au dernier moment a rencontré quelques petits problèmes avec son micro. On tentera de régler ça pour la prochaine fois, bien sûr. Il nous en reste un, on en parlait tout à l'heure. Il est à la fois notre préféré et celui qu'on aime le moins. Ça dépend s'il réussit ou non sa chronique. Notre numéro 9 au rugby, Henri, nous parle de cinéma. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis désolé. En fait, hier soir, j'avais un DM de géopolitique. Cette nuit plutôt. du coup, j'ai pas écrit ma chronique. Quel vilain garçon. Alors, j'ai décidé de vous parler de moi, parce que c'est ce que je fais de mieux, de vous parler de moi et du film de ma vie. Un homme hors du commun, armé de courage, de loyauté et de bravoure, et plutôt BG. C'est l'histoire d'un homme qui détient entre ses mains l'avenir de milliers de personnes. Je vous présente... Non, malheureusement, ce n'est pas moi, ni le film de ma vie, sinon, je vais me faire virer par Baptiste, même si après autant de temps sans regard ton monde, on se demande qui a viré qui, hein, mais bon, ça, on n'en parlera pas. Aujourd'hui, je vous parle de 1917. C'est un film récent puisqu'il date de 2020. Où le réalisateur clairvoyant qui avait déjà prédit l'aventure éprouvante de cette année de merde 2020. En bref, pour vous résumer rapidement l'histoire, l'acteur George MacKay et Dean Cheryl Chapman. Lui aussi, il a un bon accent anglais. Hein. Oui, c'est ça. Se retrouvent donc durant la Première Guerre mondiale et ils sont chargés d'une mission. La bande-annonce explique très bien le résumé. Blake, choisissez un homme, prenez votre pactage. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Et donc, vous venez d'entendre grosso modo le résumé le plus concret du film, extrait de la bande-annonce du film. Donc, ce film, en fait, il est classé et genré tel un film de guerre, mais je vous avoue que moi, je trouve que c'est plutôt un film d'aventure, même si ça se passe dans le contexte de la Première Guerre mondiale. C'est quand même une aventure que nous suivons. Et qui est faite vivre par le réalisateur Sam Mendes. Ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est la capacité du directeur de la photographie, Roger Deakins, qui en fait, donc le directeur de la photographie, pour rappel, c'est celui qui gère la lumière et tout ce qui est en rapport avec l'image, les caméras, etc. Et qui va nous donner l'illusion d'un film fait en un seul long plan séquence. Alors qu'est-ce qu'un plan séquence? C'est une caméra en fait qui ne va pas s'arrêter d'enregistrer, ce qui va pour avoir l'effet d'un sentiment d'une unité de temps. Donc on a alors l'impression de vivre en temps réel toutes les péripéties que vit le personnage principal, et le spectateur est donc au plus proche de l'histoire, de l'environnement, de l'univers. Honnêtement, ce film m'a tendu, stressé, angoissé, terrorisé, soulagé du début jusqu'à la fin. Le son, la musique, l'image, et 1917 fait partie de ces œuvres qui marquent et nous empêchent de décrocher d'une minute à l'autre dans le film. J'aurais aimé vraiment voir ce tournage qui devait être un sacré casse-tête étant donné toutes les contraintes naturelles. Certains jours, ça devait ressembler à genre ça. Oh, attention, nuage dans 5 minutes, on se bouge. Action, ta gueule. Non, attention. Non, mais là, il va pleuvoir, on peut pas. Bref, vous m'avez compris, ça devait être un sacré bordel. Il faut voir 1917 sur le plus grand écran possible avec la meilleure qualité sonore. Je rappelle quand même que 1917 a reçu l'Oscar du meilleur mixage son et également de la meilleure photographie. Merci. Mais c'est vrai qu'aller le voir au cinéma, ce film, je pense que ça change beaucoup. Moi qui l'ai vu en tout cas au cinéma, ça fait les bombes qui, enfin tout, enfin le son fort et tout qui fait vibrer, ça joue énormément, ouais, sur le film. Merci beaucoup. On espère retrouver Fanny et Valentine bientôt. Et puis on parlera de divers sujets à venir, les Ouïghours. On va parler de Ouïghours, on va aussi parler d'engagement dans Regarde ton monde, plusieurs thématiques à venir. On ne vous lâche pas cette fois, c'est promis, on a trouvé le moyen de vous parler même avec un confinement. À bientôt, merci à vous. Merci Baptiste. À toi. Salut. Ciao. Ciao.